petit, tu me piques, je faisais mieux à ton âge. Pour de bon, il me prend la gueule. On se retrouve à deux. Dans berger, ça m'a deux. De ce qu'ils pensent, je m'en tape. J'en ai marre. Je vous dis bye bye. La vie, c'est pas ça, mon ami. Je vais faire mes bails vers Miami. Je sais ce qu'ils valent. Je me prends plus la tête, pourtant j'ai des trucs sales. Pourquoi tu rigoles? Je les aimais, ils m'ont blessé. De ce qu'ils pensent, je m'en tape. J'en ai marre. Je vous dis bye bye. La vie, c'est pas ça, mon ami. Je veux faire mes bails vers Miami. Je m'en tape, j'en ai marre. Je vous dis bye bye. La vie, c'est pas ça, mon ami. Je veux faire mes bails vers Miami. Que passe, mon ami? Que passe, mon ami? Que passe, mon ami? Que passe, mon ami? Que passe, mon ami? Que passe, mon ami? Que passe, mon ami? Que passe, mon ami? Trop fin, donc on voit les sous. Dans mon survêt, y a encore des trous. Le prends pas mal. J'te taquine, je joue. Sors la bœuf que je grinde de tout. Il sort d'où ce putain de joujoul? Avec lui, les allumes sous soul. Les gens m'ont dit, tu me régales. On a même piqué le voisin d'en dessous. On connaît la street, mon frère. J'ai même pas besoin de t'en parler. Font juger en serre tout le quartier devant le palais. On me voit plus trop sur le terre-terre. Je me fais discret, c'est ce que ma mère veut. Trop de problèmes, gros, ça coûte cher. Ça rend fou tout le monde, ça me rend nerveux. Je me fais plaisir, ça me coûte un rein. Je sens le parfum Yves Saint Laurent. Ça s'envoie en l'air pour rien.